Autriche, un médiateur demande la vaccination obligatoire pour tous. Günther Kreuter est l'un des trois médiateurs autrichiens. Depuis 2012, le Collège des médiateurs est expressément chargé par la Constitution de protéger et de promouvoir le respect des droits de l'homme. Mais en matière de vaccination, le docteur Kreuter ne prend manifestement pas très au sérieux la protection des droits de l'homme. En février 2017, par exemple, il a appelé à l'obligation de vacciner contre la rougeole, les oreillons et la rubéole dans toutes les crèches, jardins d'enfants et écoles publiques. Le 25 avril 2018, le Collège des médiateurs à Vienne a présenté son rapport annuel pour 2017, dans lequel l'absence de vaccination obligatoire était à nouveau l'un des thèmes centraux. Il ne s'agit pas de coercition policière, mais de créer des incitations, a souligné le médiateur Kreuter. Les campagnes publicitaires, les appels et les obligations de vaccination pour certains groupes professionnels n'ont pas encore été, selon Kreuter, suffisants pour augmenter le taux de vaccination. Une possibilité, selon le médiateur, est d'inclure la vaccination dans le carnet mère-enfant. Quiconque s'abstient de se faire vacciner doit s'attendre à des sanctions financières. Le fait est que l'introduction d'une obligation de vaccination est donc aussi de sanctions financières avec ou sans coercition policière et contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'UE. Celle-ci s'applique en Autriche depuis 2009. Il y est stipulé que toute mesure médicale, y compris la vaccination, ne peut avoir lieu qu'après information et consentement personnel préalable. La liberté de décision en matière de vaccination est donc un droit de l'homme qui doit être protégé. Pourquoi le médiateur Kreuter, qui en tant qu'avocat a des connaissances juridiques, non seulement ne remplit pas son mandat, mais exige même une violation consciente des droits de l'homme qu'il est censé protéger ?